Je vais commencer par répondre en même temps à la, si je ne me trompe pas, troisième remarque. C'est injustice. Sur le fait que Hayek n'est pas un spontanéiste. Ah oui. Le fait qu'il y a des règles que le commerce à lui seul ne peut pas classifier. Oui, bien sûr, c'est pour ça que je l'avais précisé en fin de deuxième partie, qu'il n'y a pas non seulement le jugement cataplexique qui entre en compte, mais aussi des règles de droit. Après, ce sur quoi je vous rejoins, mais ça je pense que ça tient à la rhétorique d'Hayek elle-même. Dans ces passages où il se réfère à la doctrine du commerce, il tend dans ses phrases à évacuer le rôle des règles de droit pour mettre en avant le rôle de l'économie. Donc je pense que c'est dû à Hayek lui-même et c'est vraiment un effet de rhétorique ici. J'ai pas insisté là-dessus parce qu'il y avait d'autres. Je suis passée par un autre biais pour mettre en avant le trait forcé d'Hayek sur les effets bénéfices de l'économie. Mais voilà, il ne faut pas passer à côté de l'effet de rhétorique ici. Donc, ici, il peut sembler y avoir une tension dans les thèses de Hayek parce que là, si je recite Hayek, il dit. Cette idée comme un sens large, elle dit au sens large du terme d'économie. Les seuls liens qui maintiennent l'ensemble d'une grande société sont purement économiques, à soulever une vive résistance. Donc, quand même, il garde l'idée que c'est par les seuls liens d'économie que. Alors qu'il vient de critiquer l'économie en disant ce qu'on appelle économie d'habitude, c'est oui, vraiment là, de l'ordre de l'organisation. Il dit en un sens, là, comme il dit, en un sens large, voilà, justement, c'est l'ordre de marché. Il y a vraiment une ambiguïté sur l'usage du terme économie. Oui, tu parles toujours de l'économie, mais on parle de l'économie dirigée, donc c'est pour ça qu'il fait attention à ça. Et ça, je pense que ça peut répondre aussi à votre première remarque sur le fait que Hayek met en avant le fait que le commerce ne résout pas la guerre, mais a un effet d'atténuation. Et je pense que Hayek, ici, force le trait en disant qu'il s'agit de rendre compte, je cite Hayek, d'un ordre pacifique. Vraiment, on a l'impression que c'est en un sens très fort ici, oui. Pas seulement de réduction des. Même il dit le jeu de la galaxie permet cette convergence, cette conciliation des projets divergents. Donc même au sein du conflit, il faudrait quelque chose de conflictuel, il faudrait penser une conciliation pacifique. Donc là, je pense qu'il durcit le trait, et je pense qu'il ne faut pas passer à côté de ça. C'est ça qui fait tout l'intérêt de ce passage. Donc, je serais d'accord avec vous, de toute façon, sur ces remarques, à la fois sur le contexte dans lequel se trouve Hayek, mais je pense que justement, dans ce contexte, il faut forcer le trait sur le fait que oui, par l'économie, si on n'impose pas autant de règles au marché, finalement, on atteindra un idéal qu'on n'arrive pas à atteindre présentement. Je pense que ça fait partie de son dispositif argumentatif ici. Concernant la deuxième remarque sur le fait que Hayek promeut un modèle de société ouverte, et donc il faut faire la distinction entre l'idée de société moderne et l'idée de société ouverte. Il me semblait que j'allais dans votre sens quand j'indiquais à la fin de mon premier moment qu'on aurait deux manières de concevoir l'ordre d'une société, ou bien en imposant des fins communes, ou bien en laissant ce qui sont. Donc ici, là c'est sûr que je vous rejoins, c'est bien ce modèle-là de société qu'il promeut, pas seulement la société moderne en général, mais une société pluraliste. Et d'ailleurs la société moderne ne peut être n'est complexe que par les pluralistes, les deux vont ensemble, de ce point de vue-là. La complexité de la société moderne provient du fait qu'elle est pluraliste. Enfin, on va discuter, mais c'est... Donc là, je vous rejoins aussi là-dessus. La comparaison avec Durkheim, elle est vraiment intéressante sur la comparaison du modèle hayekien et de la solidarité organique. Je pense qu'il faut vraiment, on ne peut pas répondre simplement à ça, parce qu'il faut se pencher sur la discussion par Durkheim de Spencer dans De la division du travail social et sur la conception de la solidarité organique par Spencer comme une solidarité contractuelle. Et moi, je me demande si Hayek, en fait, n'a pas lu Montesquieu en lisant Spencer. C'est drôle parce que sur le passage sur le doux commerce, là, il ne fait pas référence à Spencer, alors que dans d'autres moments dans droit, législation, liberté, quand il parle de l'évolutionnisme, là, il va se référer à Spencer. Alors que là, non. Et quand on va voir, alors moi, je n'ai pas lu Spencer, mais juste les passages de Durkheim sur Spencer, on a l'impression de retrouver du Hayek. En fait. Il y a l'élément évolutionniste et l'élément individualiste, enfin les deux. Oui, mais en tout cas, c'est sûr que Durkheim s'attache à penser les deux, mais ce qui est sûr, c'est que Durkheim, quand il dit dans justement ce passage sur Spencer, que Spencer a évacué l'action proprement sociale, c'est une action de réglementation. Donc là, Hayek, Durkheim, même combat, je pense. Je pense que même si on peut considérer qu'il y a des problématiques qui, en certains points de vue, leur sont communes, je pense que Durkheim refuserait d'adhérer au modèle américain. Ça me paraît à peu près sûr. Non, mais j'ai bien précisé que je lançais ça. Non, mais c'est une question que je me suis vraiment posée aussi. Oui, d'ailleurs, Durkheim n'est pas très à l'aise quand il discute Spencer, parce qu'il vient que Spencer considère aussi qu'il y a des règles de droit qui passent pas non plus pas de nature, donc il est coincé. Il fait distinction entre contrôle positif, contrôle négatif, mais il va tout prix montrer que si, il faut de la réglementation, même dans les sociétés modernes, il y a même plus de réglementation que dans les sociétés anciennes. Ce point-là, il est important dans la vision du travail social. Mais enfin, merci d'avoir soulevé ce point, parce que sinon, il m'intéressait beaucoup. Concernant, sur le méprisable réseau d'argent. Là, c'est un effet rhétorique aussi. C'est méprisable, c'est pas méprisable du point de vue d'Hayek, justement. Il faut revaloriser ces réseaux d'argent pour Hayek. Donc là, c'est ironique, il me semble, quand il pointe cela. Concernant la distinction que vous avez faite les effets du marché à long terme et à court terme, alors, si j'avais indiqué à la fin de mon papier, enfin, j'avais aussi présenté ces arguments, les effets à court terme et à long terme, moi, je ne présenterais pas ça justement comme une nuance qu'Hayek apporte à la question de savoir si les inégalités sociales constituent un danger pour le lien social. Moi, je ne pense pas qu'il essaie de trouver des arguments pour montrer, mais si finalement il n'y a pas tant d'inégalités et du coup le lien social est préservé. Parce que, enfin, je ne vais pas revenir trop sur mes arguments, mais dans le chapitre 10, il distingue vraiment les deux effets. Le marché produit un ordre pacifique et il est créateur de richesses, donc à terme les inégalités peuvent être réduites. Je pense vraiment qu'il veut à tout prix évacuer l'idée que les inégalités produites par le jeu de marché pourraient fragiliser le lien social. Et d'ailleurs, il reste très très vague sur la question de la réduction des inégalités. C'est considéré ça comme très vraisemblable que les inégalités s'amoindriront grâce à ce modèle-là. Donc là, j'aurais vraiment j'ai me posé la question, et là, j'aurais tendance à penser que non. Concernant la question de justice, hein, vous disiez, même mis à part les effets à long terme du jeu de catalaxie qui sont difficiles, de toute façon à mesurer, comme vous l'avez indiqué, l'idée c'est que si les règles de ce jeu sont connues, les résultats sont acceptables. Mais je dirais, les résultats sont acceptables jusqu'à ce qu'ils ne soient plus. Jusqu'à ce qu'on rejette justement le système de droit qui nous impose cela. Donc, et Hayek, de toute façon, se rend bien compte, a très peur des mouvements sociaux, des ouvriers. Il essaie vraiment d'évacuer ça. C'est ça son plus gros problème. Donc ce serait ma réponse à cela. Voilà. Merci beaucoup. Donc nous allons passer la parole à Sal. Auparavant, je voudrais faire juste une remarque, j'utilise mon privilège de président, une remarque d'économiste, parce que on a parlé d'Hayek, on a parlé d'un livre d'Hayek, il y a au moins deux économistes dans la salle, il y en a peut-être davantage. Pour les économistes, Hayek, c'est aussi autre chose. Il a écrit des tas de livres, il a écrit Price and Production, qui a été très important pour une attaque en règle contre Keynes en 1930. Il a écrit d'autres livres, entre-temps, je ne vais pas tous les citer. Il a écrit aussi The Pure Theory of Capital au moment, ou même postérieurement à l'ouvrage dont il était question. Et tout s'est passé comme si c'était d'une autre personne, comme s'il y avait deux Hayek. Un Hayek dont il était question ici, qui aurait parlé de la société, et puis l'autre Hayek qui serait quelque part par là. Alors je veux dire quand même qu'en tant qu'économiste, il se trouve qu'Hayek a une particularité, c'est que... Alors, je vais être méchant. Il y a une particularité, c'est-à-dire que ces théories ont fait largement faillite, et surtout, beaucoup plus grave, c'est qu'il a donné, enfin, il a été invoqué par tout un courant d'économie, reconnu par les économistes, d'économie dite autrichienne, dont la particularité la plus remarquable au regard des économistes, c'est qu'ils n'ont démontré aucun résultat. C'est-à-dire que c'est un courant de pensée économique qui a des tas d'affirmations, effectivement, des choses très intéressantes. Au demeurant, je ne veux pas avoir l'air de dire que c'est des choses extrêmement intéressantes, mais ils ont la particularité, à la différence des autres économistes, qui n'ont démontré aucun résultat. Et je prends juste un point pour montrer le danger qu'il y a à cela. Hayek nous parle des résultats du marché qui vont, les uns vont y gagner, les autres vont y perdre, ce qui est parfaitement possible en réel, c'est ça que je conteste. Dans la théorie économique, qui est la théorie économique qui soutiendrait plutôt le point de vue politique de Hayek en général, il est impossible de gagner, il est impossible de perdre. C'est-à-dire que les gens partent avec une mise, et ils reviennent avec une mise qui est différente qualitativement, mais dont la valeur est exactement la même. Parce que dans une société où il y a un principe d'échange entre équivalents, eh bien, comme Marx nous expliquait déjà au début du Capital, eh bien, personne ne gagne, personne ne perd. Et là, on voit bien le divorce qu'il y a au sein d'un même individu entre des affirmations dans un livre, qui est un livre de jurisprudence, de philosophie, vraiment, on peut le placer, et toute une démonstration de théorie économique, et on voit qu'il y a vraiment un réel problème. Et juste pour finir cette petite intervention, pour dire, il serait peut-être temps que les économistes et les philosophes politiques parlent un peu davantage entre eux. Voilà. Donc, c'était la minute du président. Pardon. Alors, qui veut prendre la parole sur tout ça ? C'est difficile de prendre la parole après ce que dit Jean Cartelier, je vais essayer quand même. J'étais très intéressé par un moment de ton exposé à la fin, où finalement, après l'élaboration de cette philosophie sociale très complexe, de l'ordre spontané, auto-organisé, auto-régulé, etc., tu dis que Hayek, il a quand même besoin à un moment de se raccrocher à des thèses empiriques précises, pour le coup, indiscutables, à savoir que, historiquement, ça a en gros marché. C'est-à-dire qu'en gros, quand on a libéré les marchés, les sociétés se sont enrichies. Donc on a un mode d'argumentation ici qui fait référence, disons, à l'utilitarisme classique, puisque à la philosophie de l'ordre spontané dans son objectivité, et qui recourt aussi, deuxièmement, corrélativement, à quelque chose comme une thèse historique sur la trajectoire occidentale. Et la question que je me pose, c'est est-ce que sur le plan épistémologique, c'est satisfaisant, comment dire, d'en faire des tonnes sur une philosophie de l'ordre spontané, mais de faire reposer cet énorme socle sur une petite thèse qui devrait être l'essentiel. Est-ce qu'il y a deux philosophies en une, philosophie de l'ordre spontané et philosophie de l'enrichissement des sociétés occidentales, ou est-ce que ça marche si bien que ça, à ton avis Moi, je pense qu'il distingue les deux, la question de l'ordre et la question de l'enrichissement. Parfois, on voit que ça vient se recouper, mais il distingue les deux, effectivement. Est-ce que le lecteur pourrait adhérer effectivement à la première philosophie s'il n'avait pas quelque part en tête la deuxième? Je ne sais pas. Donc, moi, il me semble que là où on voit les choses, c'est on aurait des manières de comprendre l'ordre social, ou bien on impose des fins communes, ou bien on laisse un individu choisir les fins qu'il poursuit. Et on fournit des moyens. Donc, s'il n'y avait pas cet argument en plus de l'enrichissement, pourquoi choisir l'ordre de marché plutôt que l'autre? Donc les deux sont nécessaires, en fait, pour défendre la position d'Hayek. C'est comme ça que je... Sinon, sur la position épistémologique, oui, je suis d'accord. À la fois, Hayek défend un modèle idéal qui n'a jamais été réalisé, mais il se prive pas de se référer à des exemples historiques, même à des chiffres de l'évolution des sociétés. Est-ce que l'idée, c'est que quand même la trajectoire occidentale, le capitalisme occidental, s'est approché, a ressemblé au modèle idéal? Oui, il considère oui, mais comme dans la mesure où ce modèle n'a jamais été réalisé dans sa pureté, on ne peut jamais savoir si c'est dû au finalement mécanisme du marché ou si c'est dû par exemple aux règles de droit. Est-ce que dans cette discussion-là, est-ce que vous diriez que le libéralisme de Hayek pourrait ne pas être conséquentialiste, c'est-à-dire pourrait être justifié par autre chose que les effets positifs qu'il apporte? Il est conséquentialiste. Il me semble qu'il est conséquentialiste. Mais négatif. Moi, je dirais que c'est un utilitarisme négatif. Et dans la constitution de la liberté, il y a tout le passage sur la liberté, il est purement conséquentialiste. Donc c'est pas la liberté pour elle-même, pourquoi choisir la liberté pour ses effets? Mais pour vous rejoindre, en même temps, Hayek se présente comme néo-kantien. C'est ce qu'on appelle manger à tous les ventes. Oui, un peu que ça, oui. Il se présente aussi comme, en tout cas dans certains textes, je suis très mal à Hayek, hein, mais il se réclame de l'utopie, il réclame pour le libéralisme une nouvelle utopie. Donc je sais pas, c'est une petite tension, quoi. Conséquentialiste, utopiste, néo-kantien. Oui, les conséquentialistes, qu'on n'a jamais vu. Les conséquences, qu'on n'a jamais vues. Oui. D'abord, une question, et puis peut-être une remarque, parce que je ne suis pas du tout expert en Hayek. Quelles sont les dates de la composition et puis de la publication de droits de législation et des textes? Le dernier livre, pratiquement, hein, c'est ça. C'est étendu sur 30 ans. Oui, c'est ça, sur 30 ans. C'est 30 ans, oui. Et donc, terminé quand? Oh, c'était publié en 50... Non. Mais non, c'est bien par le rôle. Absolument, non, 60... C'est les années 80. Oui, c'est ça. Les années 80, d'accord. Ah, oui. Mais c'est un livre qui a été retravaillé sur des décennies. Oui. Il est travaillé quand il était encore, juste après la guerre. Ouais. D'accord, bon, on reste là. Je voulais juste poser une question au sujet de la lecture que fait l'étude de Tracy de Montesquieu, parce que Montaigne. Et alors, il dit qu'il ne comprend pas. Alors, l'étude dit, je ne comprends pas du tout ce que dit Montesquieu sur la loi comme rapport et la loi comme volonté. C'est d'ailleurs Condorcet buttera sur la même difficulté. Ils acceptent absolument pas l'idée que la loi soit un système de rapport et non pas une volonté. Alors, comme je connais très bien Hayek, est-ce que Hayek commente ces difficultés? Parce qu'elle pourrait s'appliquer, si j'ai bien entendu, elle pourrait s'appliquer à Hayek aussi. Il y a d'un côté la défense des volontés individuelles, une détermination des individus par leur volonté, et en même temps une détermination de la société par les lois du marché, donc par les systèmes de rapport. Donc est-ce que au fond il est avec en connexion? Je ne sais pas, parce que ce qui est opérateur chez lui, c'est la distinction assez simpliste entre fin et moyen. Donc, la loi ne détermine pas les fins, mais elle indique les moyens qui sont autorisés, et ceux qui ne le sont pas. Et donc, c'est là-dessus qu'il y a un consensus qui permet cette pacification des conflits, cette réduction des conflits. Mais il est assez critique avec la notion de loi. Ah oui. Il est assez critique à la notion de loi. Il évite le plus possible au tout début de la législation de liberté. Il critique. Il distingue deux formes de loi. Il distingue la loi du législateur et la loi du juge, le droit, c'est-à-dire l'accumulation des décisions des juges. Donc, puis il y a deux sens. Il y a ce texte que j'ai lu un jour un peu, pour des raisons indirectes, c'était une conférence qu'il avait faite en Égypte et où il compare les trois conceptions du Reichstag, Rouleau-Blou, et la conception française. C'est un texte assez passionnant, et où on voit toute la finesse en fait de ces analyses. Il n'y a pas une conception uniforme du droit, justement entre common law c'est très très très bon. Il est très bon, ce texte. Absolument. Je crois qu'il n'a pas été traduit ou j'en sais rien. Comment il s'appelle ce texte? C'est un texte assez court, c'est des conférences qu'il fait en Égypte, qu'il fait au Caire. Non, c'est en anglais. Non. C'est en anglais, c'est à l'ABN. C'est un des chapitres dans le droit des législation de liberté, sur la loi, la loi du juge et la loi du Et c'est tout à fait intéressant, je trouve que c'est Ça, c'est remarquable. Rouleau-Blou, Reichstag, et puis l'état de droit à la française qui est entre les deux. Je trouve ça tout à fait passionnant. Alors, Oui, en fait, je voulais revenir sur un point, parce que je trouve assez fascinant chez Hayek, quelque chose de très abstrait, là, cette séparation soit des moyens et des fins, soit des règles et des fins, comme si les moyens n'avaient aucune influence sur l'accomplissement même de la vie et les conceptions de ce que c'est qu'une vie accomplie, ou les règles sur ce que c'est qu'une vie accomplie. Et au fond, on sait très bien, par exemple, que la manière dont a été conçue la propriété et l'appropriation par les Occidentaux a joué sur la manière dont les Indiens ont été expropriés, dont on leur a imposé le conception de la vie bonne, etc. Il pourrait exister un grand nombre aussi de remarques de ce type-là qui montrent à quel point les règles ne permettent pas d'avoir la conception de la vie qu'on souhaite. Elles ne sont pas seulement des moyens neutres, axiologiquement neutres. Et donc, justement, voilà où mène ma question, puisque tu parlais du commerce vu dans la perspective de la pacification. Et moi, j'aurais aimé savoir s'il n'y avait pas aussi chez Hayek, qui là, c'est une question d'information, le du commerce pensé comme civilisateur, finalement. Il y a une certaine conception de ce que c'est que la civilisation par rapport à des sociétés barbares. Oui, ça, c'est à la toute fin de la législation de liberté sur la stratification des règles de conduite. Où on montre comment on passe, Oui, donc comment la civilisation a été produite grâce à l'émergence de ces règles abstraites qui se sont substituées aux fins à des impératifs concrets imposés aux individus. Utilisant vraiment le terme de civilisation. La civilisation est apparue dans un sens. Oui, puis alors il y a ce terme de tribalisme quand même qui apparaît régulièrement dans le texte. Alors c'est quand même bien péjoratif. C'est le contraste tribalisme et civilisation ou société ouverte. Il y a ce paramètre-là aussi. Ah oui, ça je pense. Oui. Ah, mais peut-être prendre une dernière demande, et puis après la discussion se déroule. Je ne connais pas du tout, vous pouvez être là-bas ailleurs en général, et encore moins ce deuxième ailleurs, puisque je suis économiste. Alors j'étais je suis tout à fait soufflé par l'idée que vous avez. Vous avez rappelé, j'imagine, c'est pas vous qui avez inventé, évidemment, dans laquelle que la question de la justice devait être posée en des termes complètement différents, je voudrais savoir lesquels, parce que, effectivement, puisque l'activité économique, c'est une activité risquée, le produit de cette activité économique, c'est-à-dire la répartition des richesses entre les agents, est donc aléatoire, si c'est une loterie, évidemment, par définition, la question même de la justice. Ne se pose pas. Moi, ça m'a fait penser à cette nouvelle de Borges, la loterie de Babylone, parce que je pense que c'est une description, quand je l'ai lu, je pense que c'est une très belle description de la barbarie pure. Une société qui serait entièrement, je parle sérieusement, où effectivement la répartition des richesses serait entièrement aléatoire, serait effectivement assez proche, soit de la loterie de Babylone de Borges, soit de Auschwitz, écrite par déjà un trou de mémoire. Ah. Vous l'avez dit. Vous l'avez dit, bien sûr. Alors ça se discute. Le chapitre de Primo Levi, parce qu'il décrit dans la façon de la richesse répartie à l'intérieur du camp, et où le hasard a joué évidemment. Non, ce qui est un problème de la barbarie, c'est le camp, c'est pas le fait que la répartition soit aléatoire, faut pas confondre. Parce que je pense par exemple, juste pour prendre un exemple très différent et plus proche de nous, si au lieu d'aller voter prochainement, on désignait les gens de façon aléatoire, il n'est pas sûr que ça marcherait plus mal. Et donc le problème, là, quand tu évoques Primo Levi, c'est le camp qui est la barbarie, c'est pas la désignation aléatoire des gens. C'est bien conséquentialiste, là. Je pense que le vote est très important, et que, effectivement, dans certaines sociétés, ça a été athénienne, la fortune pouvait jouer un rôle. Alors que Romain, la fortune pouvait jouer un rôle côté de l'architecte empereur, mais je pense pas que c'est. Je pense pas, la question n'est pas que ce soit efficace, mais je pense pas que c'est efficace. Alors, il y a une version encore plus extrême de la position de Hayek, c'est celle de Nozick. Oui, je l'ai demandé, le rapport entre Nozick et Hayek. Moi, il me paraît beaucoup plus proche de Nozick que de Rawls. Bien sûr. D'ailleurs, c'est souvent les mêmes. Mais la position de Nozick, alors ça, c'est... Il y a une distribution aléatoire à l'origine, et puis alors après... Oui, et puis après, tout est juste. Après, tout est juste, voilà. Enfin, du moment qu'on n'a pas volé... Du moment que le pattern est respecté... Voilà. Parfait. Eh bien, merci beaucoup.